7. Mystère dévoilé et rencontre imprévue. Le lendemain, en effet, on s'apprêtait à partir. Félicie, désolée, avait encore supplié sa mère de la laisser à la maison. Madame d'Orvillet, qui pensait que c'était l'orgueil qui poussait Félicie à refuser sa visite à un pauvre cheminot, ne voulut pas céder à ce mauvais sentiment et lui ordonna de se taire et d'aller mettre son chapeau. La bonne entra chez madame d'Orvillet quelques instants après. La bonne. Si madame savait dans quel état est Félicie, elle pleure et se désole. Je crois que madame ferait aussi bien de ne pas la forcer d'aller chez ce cheminot. Madame d'Orvillet. Non, Valérie, je ne veux pas lui céder dans cette occasion. Son orgueil augmente avec l'âge, et surtout depuis que nous avons ces Castelsault pour voisins. Je veux le rompre, quand il est temps encore. La bonne. Mais madame ne sait pas tout. J'ai appris hier une chose que je crois devoir faire connaître à madame, ce qui lui fera excuser la répugnance de Félicie à se retrouver en face de cet homme. Madame d'Orvillet. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est? La bonne. C'est que l'histoire de la petite demoiselle battue est bien vraie. Seulement, il s'est trompé de château. Au lieu de la petite Castelsault, c'est Félicie qui a reçu la correction. Madame d'Orvillet, stupéfaite. Félicie? Mais c'est impossible. Elle ne sort jamais seule. D'ailleurs, elle s'en serait plainte. La bonne. Son amour-propre l'aura empêchée d'en parler. Madame va voir ce qui est arrivé. La bonne raconta alors tout ce qui s'était passé chez les Germain et comment elle avait trouvé Félicie en larmes, assise à l'entrée de l'avenue. J'ai cru d'abord qu'elle pleurait de contrariété de n'avoir pas été obéie quand elle a voulu nous forcer à partir de chez les Germain. Mais j'ai observé qu'elle souffrait en marchant, en remuant les bras. Le lendemain, en lui lavant le cou et les épaules, j'ai vu qu'elle avait des bleus partout. Elle m'a dit qu'elle était tombée sur des pierres, mais je trouvais singulier qu'une chute eût amené de pareilles contusions. Quand les enfants m'ont raconté hier l'histoire du cheminot et de son prétendu rêve, tout cela m'est revenu, et j'ai été parler à Germain dans l'après-midi. Comme il l'avait suivi, il devait savoir ce qui lui était arrivé. Il m'a semblé embarrassé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qu'il me cachait. Je l'ai pressé de questions, alors il m'a avoué ce qu'il avait entendu crier, qu'il avait rencontré le cheminot à moitié ivre, qui lui raconta qu'il avait corrigé une petite demoiselle impertinente, toute l'histoire que madame l'a entendu redire chez Castelsault. Germain n'avait pas voulu en parler de peur d'humilier Félicie. Mais madame comprend que c'est en effet pénible pour Félicie de se trouver en présence de cet homme qui l'a battu. Elle doit craindre qu'il ne dise quelque chose qui la fasse reconnaître. Madame d'Orvillet était désolée du récit de la bonne. Elle resta quelques instants sans parler. Enfin, elle dit, avec une vive émotion, « Mon Dieu, quelle affaire elle s'est attirée par ses insolences! C'est affreux pour elle, et je conçois en effet sa répugnance à se retrouver en la présence de ce malheureux homme, qu'on ne peut pourtant pas trop accuser puisqu'il était ivre. Mais comment ne m'en a-t-elle pas parlé? Si je l'avais su, j'aurais agi tout autrement, et puis nous l'aurions soignée, car elle a dû beaucoup souffrir. » La bonne. Elle n'en a rien dit, non plus que moi, car elle savait bien qu'elle serait grondée pour s'être sauvée seule, malgré moi. Quant à la soigner, madame, je l'ai fait sans en parler à personne. Je lui ai mis de l'huile de millepertuis, et dès le lendemain, elle ne souffrait presque plus. Madame d'Orvillet réfléchit quelques instants. « Je vais aller seule chez ce pauvre homme. Je lui dois cette visite à cause du grand service qu'il nous a rendu. J'espère qu'il ne me parlera pas de Félicie. Il doit l'avoir reconnue, et j'ai bien remarqué qu'il l'avait beaucoup regardée, et avec surprise, avant de s'approcher de moi. Il aura probablement eu la délicatesse de ne rien dire qui pût l'humilier. Ce pauvre cheminot me paraît être bon homme. Et j'espère qu'il a compris que, dans de pareilles aventures, il vaut mieux se taire que parler. Envoyez-moi les enfants, Valérie. Je veux leur annoncer que je ne les amène pas et qu'ils sortiront avec vous. » 5 minutes après, les enfants arrivaient chez madame d'Orvillet. « Mes chers enfants, leur dit-elle, j'ai pensé que vous pourriez gêner le pauvre blessé qui est sans doute misérablement logé et qui ne pourrait pas seulement faire asseoir tant de monde. Ainsi, je vais y aller seule. Je vous laisse avec votre bonne. » Laurent et Anne ne parurent pas mécontents de ce changement de projet. Félicie en fut enchantée. Madame d'Orvillet se fit accompagner par Saint-Jean, qui connaissait la demeure du cheminot. Les enfants s'amusèrent à planter des fleurs et des arbustes dans leur petit jardin. Félicie donnait des ordres. Laurent et Anne les exécutaient, aidés de leur bonne, qui faisait le gros de l'ouvrage. Félicie trouvait au-dessous d'elle de toucher à une bêche, à un arrosoir. Tout au plus consentait-elle à tenir les fleurs et les arbustes pendant qu'on les plantait. Un instant seulement, elle s'abaissa jusqu'à planter elle-même un pied de reine marguerite qu'elle s'était réservé pour son jardin particulier. Pendant qu'elle enterrait le pied de la fleur, elle entendit un éclat de rire à peu de distance. Elle se retourna vivement et rougit beaucoup en reconnaissant Cunégonde et Clodoald. Clodoald, ricanant. « Comment, mademoiselle Félicie, vous travaillez à la terre. Vous n'avez donc pas de garçon jardinier pour faire ce travail de paysan ?» Avant que Félicie interdite eût trouvé une excuse à cette humble occupation, la bonne répondit « Nous ne sommes pas si fiers, mon petit monsieur. Nous nous amusons à embellir notre jardin, sans déranger le jardinier de son ouvrage. » Clodoald. « La fille de monsieur le comte d'Orvillers pourrait, ce me semble, avoir des occupations plus dignes de son rang. » La bonne. « Nous n'avons pas de ces sottes idées, monsieur Clodoald, et nous daignons nous amuser quand l'envie nous en prend. Allons, Félicie, achevez de planter votre belle reine Marguerite. Nous avons assez à faire d'achever la plantation des nôtres. » Félicie, embarrassée. « Ma bonne, je voudrais bien que Laurent et Anne le fissent pour moi. Je n'ai pas l'habitude de ces choses et je m'y prends mal. Pardon, monsieur Clodoald, de vous avoir laissé venir dans le jardin des enfants. Je ne vous savais pas ici. » Clodoald. « Nous venions savoir de vos nouvelles, mademoiselle. On nous avait dit qu'en retournant chez vous hier, vous aviez été attaquée par un ours échappé d'une ménagerie. » Félicie. « Oui, c'est vrai, mais nous n'avons pas été blessés, heureusement. » Cunégonde. « C'est bien heureux, en effet. Comment vous êtes-vous sauvée? C'est si fort, un ours ? » Félicie. « Nous avons couru jusqu'à la maison. » Laurent. « Pourquoi ne dis-tu pas que c'est le bon cheminot qui nous a sauvés ? » Cunégonde. « Quel cheminot ? » Laurent. « Celui qui est venu faire des excuses pour avoir battu Cunégonde. » Clodoald. « Ce misérable menteur ! Je n'aurais jamais accepté le secours d'un pareil coquin !» Laurent, d'un air moqueur. « Vous auriez mieux aimé que l'ours nous eût mangé !» Clodoald, embarrassé. « Certainement, non, mais il ne vous aurait pas touché. C'est si poltron, un ours !» Laurent. « Vous ne diriez pas cela si vous aviez vu le combat du pauvre cheminot contre cet ours. » Anne. « Le pauvre homme avait du sang plein les jambes. » Clodoald. « C'est bien fait. Il n'a que ce qu'il mérite. » Anne. « C'est méchant, ce que vous dites. » Laurent. « Et que fallait-il faire au lieu d'accepter le cheminot pour nous défendre ?» La bonne, riant. « Il fallait faire un salut à l'ours et lui dire « Monsieur l'ours, nous sommes les enfants du comte d'Orvillers. Vous n'oserez pas nous toucher, bien certainement. Mangez ce cheminot qui n'est qu'un paysan et laissez-nous passer. » Les enfants rient. Félicie même ne peut s'empêcher de rire. Clodoald paraît très vexé. Cunégonde lance des regards flamboyants à la bonne. « Venez, Félicie, » dit-elle, « allons dans le parc. » La bonne. « Ne vous éloignez pas trop, Félicie. » Laurent, riant. « Cunégonde, n'oubliez pas le rêve du pauvre cheminot. Si le rêve n'était pas un rêve, qu'est-ce que vous feriez ?» Cunégonde, en colère. « Je vous ferai fouetter par votre maman pour vous punir de votre impertinence. » Laurent. « Si le cheminot vous fouette tout de bon, appelez-nous. » La bonne. « Taisez-vous, mes enfants. Il ne faut pas rire de ce qui est désagréable aux autres. Et cette histoire ne peut pas être agréable à mademoiselle Cunégonde. » Félicie était au supplice. Elle s'éloigna avec ses amis. Félicie. « Je déteste cet abominable cheminot. » Cunégonde. « On devrait l'enfermer pour le punir de son invention. » Clodoald. « Il faut que papa le fasse chasser du pays. » Cunégonde. « Où est votre maman ? Nous voudrions lui dire bonjour. » Félicie. « Elle est allée faire une visite à ce misérable. » Cunégonde. « Une visite ? Un grossier paysan ? » Clodoald. « Un menteur ? Un insolent pareil ? En voilà une idée. » Félicie. « Et maman voulait nous y mener, mais je n'ai pas voulu. » Clodoald. « Vous avez bien fait. Moi, je me ferais tuer plutôt que de faire des politesses à des gens comme ce cheminot. Mais comment votre maman, la comtesse d'Orvillers, vous mène-t-elle chez tous les misérables du village ? » Félicie. « C'est que maman a des idées bizarres sur les pauvres et les ouvriers. Elle dit qu'ils valent souvent mieux que nous, qu'ils sont nos frères. » Clodoald. « Nos frères ? Ah ah ah ! La drôle d'idée ! Alors le cheminot est ton frère, Cunégonde. Il est votre frère, Félicie. Il sera l'oncle de nos enfants. Ah ah ah ! Je ne croyais pas que votre maman eût des idées si singulières. » Cunégonde ricanant. « Et moi, je ne pensais pas que Félicie eût une famille si peu convenable. » Une grosse voix. « Savez-vous, mon petit monsieur, que je ne connais pas, que vous mériteriez une schlaque soignée pour vous être permis de parler ainsi de madame d'Orvillers devant sa fille, et que, si vous recommencez, vous aurez affaire à moi. » Félicie. « Dieu, mon oncle !» Clodoald s'était retourné. Il vit un grand bel homme d'une quarantaine d'années et d'apparence distinguée. Ne sachant à qui il avait affaire, il comprima sa colère et répondit avec fierté. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis le jeune baron de Castelsau, et je ne veux pas qu'on me parle comme un cheminot. » Le monsieur. Allons, allons, petit, tais-toi, et ne recommence pas. Tu veux savoir qui je suis, toi, baron prétendu de Castelceau, bien nommé. Je suis le général comte d'Alban, frère de madame d'Orvillet, oncle de cette petite sotte de Félicie que voici. J'en ai rossé de plus fort et de plus sot peut-être que toi, mon garçon. Aussi gare à toi, ne recommence pas, je te le répète. Et toi, Félicie, je te défends de parler de ta mère comme tu viens de le faire. Tu sais que je ne mâche pas mes paroles, et je te dis que tu es une petite sotte, une orgueilleuse et vaniteuse. Où est ta mère ? Félicie, interdite, n'osa pas répliquer à son oncle. Elle répondit avec embarras. « Elle est allée voir un pauvre, elle ne tardera pas à rentrer. » Le général. « C'est très bien, je viens passer un mois avec elle. Je veux voir Laurent et Anne, où les trouverai-je ? » Félicie. « Dans leur petit jardin, mon oncle, je vais vous y mener, si vous voulez. » Le général. « Non, je te remercie. Je connais bien le jardin, je l'ai assez souvent bêché et pioché avec vous. Reste avec tes charmants amis. Monsieur le baron, ajouta-t-il en faisant un profond salut, j'ai l'honneur de vous saluer, ainsi que votre digne sœur, mademoiselle de Castelceau. » Et il s'en alla en riant. 8. Le bon oncle d'Alban. Félicie, humiliée de l'algarade de son oncle, resta immobile. Clodoald et Cunégonde étaient d'autant plus irrités qu'ils n'avaient osé riposter à un homme d'un grade et d'un rang aussi élevé. Ils restèrent donc silencieux tous les trois jusqu'à ce que M. d'Alban se fût éloigné. Quand ils se crurent en sûreté, Clodoald dit à voix basse « Vous avez un oncle qui n'est pas agréable, mademoiselle Félicie. » Félicie « Chut ! S'il nous entendait, il nous ferait une scène terrible. » Cunégonde « Bah, ces militaires sont si grossiers, ils croient toujours parler à leurs soldats, et si on leur répond, ils se croient insultés, ils se jettent sur vous comme des bulldogs. » Félicie « Bah, prenez garde, il est capable d'avoir fait un détour dans le bois et de nous suivre le long des broussailles. » Clodoald, à mi-voix, « C'est agréable pour vous d'avoir cet oncle pendant un mois. » Félicie, « Et quand il dit un mois, c'est plutôt deux ou trois. Il aime beaucoup maman, qu'il aime beaucoup aussi, et comme il y a deux ou trois ans qu'il n'est venu à la campagne, il va vouloir rester le plus longtemps possible. » Cunégonde, « Il y a trois ans que vous ne l'avez vu ? » Félicie, « Non, nous l'avons vu tous les hivers, à Paris, mais il n'y est pas venu beaucoup parce qu'il est obligé de rester en Afrique. » Ils continuèrent à s'éloigner, et pour plus grande sûreté, ils sortirent du bois et s'assirent sur un banc, au milieu de la prairie. Félicie, « Ici, nous sommes en sûreté, nous pouvons causer à notre aise, au moins. » Pendant qu'ils se vengeaient de l'oncle, en se moquant de lui et en disant tout le mal possible, M. d'Alban arrivait dans le petit jardin où les enfants continuaient à travailler avec ardeur. La bonne le vit venir, elle allait avertir les enfants, mais le général lui fit signe de se taire. Il s'approcha doucement, et, saisissant Laurent et Anne dans ses bras, il les embrassa plusieurs fois avant qu'ils eussent pu revenir de leur surprise. « Mon oncle Albert ! Mon cher oncle ! » s'écrièrent ensemble les enfants. Le général donna une poignée de main à la bonne. « Bonjour, ma bonne Valérie, je suis content de vous retrouver près de ces chers enfants. » La bonne, « Bonjour, monsieur le comte, je suis bien heureuse de vous revoir, et ici surtout, car à Paris, on ne vous voit qu'en passant. » Laurent, « Mon oncle, moi aussi, je suis bien content. Vous resterez bien longtemps, n'est-ce pas ? » Anne, « Oh oui, mon oncle, restez très, très longtemps. » Le général, « Oui, oui, je resterai un mois. » Laurent, « Un mois ? Ce n'est pas assez, il faut rester tout l'été. » Anne, « Ou plutôt 100 ans. » Le général, « Ah ah ah, tu n'y vas pas de main morte, sais-tu compter ? » Anne, « Oui, mon oncle, je sais compter jusqu'à 100. » Le général, « Et sais-tu ce que c'est qu'un an ? » Anne, « Oh oui, mon oncle, puisque j'ai 5 ans. Un an, c'est beaucoup de jours, presque 100 jours, je crois. » Laurent, « Un an, c'est 365 jours. Ainsi, tu vois que tu as dit une bêtise à mon oncle. » Anne, « Tu crois cela, toi, n'est-ce pas, mon oncle, que je n'ai pas dit une bêtise ?» Le général, « Tu as voulu dire une chose très aimable, ma bonne petite, mais tu as dit une chose impossible. 100 ans, c'est si longtemps, que nous serions tous morts de vieillesse avant d'y arriver. Mais sois tranquille, je resterai le plus que je pourrai. Voyons, mes enfants, racontez-moi ce qui vous est arrivé depuis que je ne vous ai vus. » Les enfants se mirent à lui raconter les événements les plus importants de leur vie, comme les premières fraises mûres dans les bois, une chasse aux hérissons, la naissance de 4 petits chiens de garde, charmants, les cerises des germains, Anne. Et puis, Laurent, tu ne dis pas l'histoire du méchant ours. Le général, un ours, un vrai ours, vivant. Anne, oui, mon cher oncle, un vrai ours, qui nous a un peu mangé. Le général, riant, un peu seulement, pourquoi n'a-t-il pas mangé tout ? Laurent, Anne dit des bêtises, mon oncle. L'ours ne nous a pas mangés, il a seulement voulu nous manger. » Laurent raconta à son oncle l'aventure de l'ours et du cheminot, interrompue souvent par Anne et expliquée par la bonne. Le général y prit beaucoup d'intérêt. Il approuva beaucoup la visite de sa sœur et parut ne pas bien comprendre le rêve du cheminot, malgré les explications de la bonne. Le général. « Écoutez, Valérie, je sais bien ce que c'est qu'un homme ivre. J'en ai assez vu dans ma vie pour connaître leurs habitudes. Un homme ivre oublie souvent ce qui lui est arrivé dans son état d'ivresse, mais il ne prend pas un rêve pour une chose vraie, et il ne va pas faire des excuses très pénibles pour lui sans être bien sûr qu'il les doit. Je parie qu'il a donné pour tout de bon une raclée à cette sotte petite fille que j'ai rencontrée en arrivant. » Laurent. « Ah, vous les avez rencontrées, mon oncle ?» Le général. « Oui, je les ai rencontrées. Ils disaient tous les trois des sottises dont je les ai joliment grondées. » Laurent. « Et vous croyez que le cheminot a réellement battu Cunégonde ?» Le général. « Ma foi, je le croirais assez. Et franchement, j'en aurais fait autant, sans frapper si fort pourtant. Mais je le saurai. J'irai voir ce cheminot qui me plaît, et je lui ferai raconter son affaire. » Laurent. « Et vous nous direz ce qu'il vous aura répondu, mon oncle ?» Le général. « Oui, oui, si Cunégonde a été battue par ce brave homme, tu le sauras, je te le promets. » Laurent. « Je serais bien content si on l'a battue, tout de bon. Elle est méchante, il faut la punir. » Anne. « Et si on ne l'a pas battue, mon oncle, voulez-vous la fouetter pour le bon cheminot ?» Le général. « Oh non, par exemple, je ne suis pas ivre ni brutal comme le cheminot qui n'aurait pas fait ce qu'il a raconté s'il avait été dans son bon sens. Je la taquinerai seulement, elle sera assez vexée si je m'y mets. » La bonne était mal à son aise. Elle n'osait pas dire au général l'histoire vraie telle qu'elle l'avait su par Germain. Et pourtant, elle aurait voulu qu'il n'eût pas dit devant les enfants tout ce qu'il venait de dire, et surtout, elle ne voulait pas lui laisser faire l'enquête qu'il avait annoncée. Elle se décida à en prévenir Madame d'Orvillet. En attendant, elle fit cesser les questions et les réflexions des enfants en leur disant « Mes chers petits, je crains que votre oncle ne vous trouve bien méchant de désirer tant de mal à Cunégonde. Pensez donc quelle terrible chose ce serait pour elle et pour ses parents. Si c'était vrai, et si cela se savait, il ne faut jamais souhaiter de mal à personne. Rien ne déplaît autant au bon Dieu et n'afflige nos beaux anges gardiens comme le manque de charité. » Le général riant. « Ah, Valérie, c'est aussi pour moi que vous dites cela. Et vous avez raison, nous avons été méchants tous les trois. Moi, en croyant et peut-être en espérant que le rêve n'était pas un rêve, et vous, mes enfants, en désirant qu'il fût vrai. Et pour nous punir, nous n'en parlerons plus. « Jusqu'à ce que je sache par le cheminot ce qui en est. » Laurent et Anne. « Mais alors vous nous le direz, mon oncle. » Le général. « Oui, je vous l'ai promis. À présent, je vais m'établir dans ma chambre. Vous allez m'y mener. Valérie me fera voir celle que je dois occuper. » La bonne. « Celle que vous habitez toujours, monsieur le comte. D'après votre dernière lettre, madame espérait bien vous revoir un de ces jours. Elle a fait arranger toute prête à vous recevoir. » Le général, accompagné des enfants, alla s'installer dans sa chambre. Les enfants l'aidèrent à défaire ses malles, et ils y aidèrent si bien qu'au bout d'un quart d'heure, tout était pêle-mêle sur les meubles, et même par terre. L'oncle commença par en rire, mais, voyant qu'il ne s'en tirerait pas avec ses deux aides de camp, il leur dit d'aller chercher son valet de chambre et de le laisser s'arranger, sans leur secours. « Et pendant que nous mettrons tout en place, mes enfants, amusez-vous à défaire avec votre bonne ces deux paquets qui sont pour vous. Toi, Laurent, tu trouveras dans le tien un équipement complet de zouaves. Et toi, ma petite Anne, tu as une jolie poupée, avec un trousseau complet. Valérie y trouvera aussi un châle et de l'étoffe pour une robe. » Les enfants embrassèrent leur oncle avec des cris de joie, et, tout occupés de leur paquet, ils oublièrent sa commission. Mais l'oncle, se doutant de l'oubli, appela lui-même son valet de chambre, et en une demi-heure, tout fut mis en place.